possédé par le diable tu flippes. C'est normal, je suis bien dans ton slip. Trop banal, mais bon, la banane je l'ai car je sais que Satan m'habite. Car je sais que Satan m'habite. Car je sais que Satan m'habite. Trop excité, je suis à l'idée de savoir que Satan m'habite. Depuis j'ai testé pour mourir, c'est dead, même sans me nourrir. Non, j'ai pas besoin d'aide, je l'ai tout en raid, mais maintenant rien ne sert de courir. Tu vas prendre et prier le Christ. Ouais, j'organise un sacrifice. Ma victime choisie va me supplier de baptiser ses orifices. Hurle tant que Satan m'habite. Hurle tant que Satan m'habite. J'ai la pêche, truc de malade. Il n'empêche que Satan m'habite. Champagne et petit four. Quand j'interagis sur les carrefours, j'ai toujours une blague, mais qui finit mal si quelqu'un prévient les secours. Quoi de meilleur dans ce démon? Nique les anges, les pseudo-démons. Vos cauchemars remplaceront les contes pour enfants avant que je les démonte. Je fais ça bien car Satan m'habite. Je fais ça bien car Satan m'habite. Je fais ça bien, je veux pas qu'il quitte mon esprit. Au pire, il sait où j'habite. Je suis content de penser qu'au mal. Un petit démon sur mon épaule droite me soumet des idées qui plaisent pas à mon ange. Si ça le dérange, qu'il aille se faire droiter. J'aime le JT voir toutes ces tueries, ça me va. Si j'y étais, ça serait peut-être pire. À force d'être mal, ouais, j'en prends l'habitude. Car je sens que Satan m'habite. Car je sens que Satan m'habite. Car je sens que Satan m'habite. Au plus mal, au plus mal, je prends l'habitude d'avoir le sentiment que Satan m'habite. Trop d'humains, trop de gros cons. J'ai faim, j'en ai plein dans des cocons. Je veux du sang dans le ciel et qu'il neige des faucons rouges. Putain, frère, il faut qu'on se bouge. Tiré par le vice, j'ai des visions immondes. Merci aux actualités de ce monde. Ça, c'est inné, c'est mon côté sombre. Tiens, je m'imagine en train de toter les ondes. Je pense qu'au final, c'est dans l'attitude. Je continuerai même, ça me fatigue. À force d'être mal, ouais, j'en prends l'habitude. Car je sens que Satan m'habite. Car je sens que Satan m'habite. Car je sens que Satan m'habite. Au plus mal, au plus mal, je prends l'habitude d'avoir le sentiment que Satan m'habite. J'aime le mal et je trouve que c'est peu de dire. Je me nourris de chair dans les clubs. Trop excité, je suis à l'idée de savoir que Satan m'attend. Je me mets à sourire des malheurs des autres. Au pire, un peu plus de ceux de mes potes. Mais je sais qu'après ma mort, y'aura pas de paradis. Mais qu'auprès de mon maître, j'aurai la cote. Pas de purgatoire, je m'en auto-acquitte. Faut me croire, y'a pas d'autre vie après la vie. Au plus mal, au plus mal, je prends la bite. Tu devras sentir que Satan m'habite. Satan m'habite. Satan m'habite. Satan m'habite. Au plus mal, au plus mal, je prends la bite. Tu devras le sentiment que Satan m'habite. Satan m'habite. Satan m'habite. Satan m'habite. Au plus mal, au plus mal, je prends la bite. Tu devras le sentiment que Satan m'habite.